Chapitre 4e. Émouvant souvenir. Comme ils viennent d'affluer en moi, à mesure que j'écoutais, par-delà les jours, cette voix à jamais muette. Et combien je m'approuve aujourd'hui d'avoir écouté ce conseil de pitié, qui m'a fait me taire de ce que je savais, pour épargner cette sœur trompée, cette Antigone sublime d'un indigne frère. Et je lui ai rapporté les épreuves sans dénoncer le honteux plagiat de Malglaive, et je l'ai entendu célébrer le talent de cet essai piraté, et j'ai répondu moi aussi par des éloges, et j'ai serré la main de mon ancien condisciple à l'instant des adieux, comme si de rien n'était. La magnanime victoire de cet abominable vol littéraire m'en avait donné l'exemple. Oui, comment ne resterais-je pas reconnaissant à mon vieil ami de cet effort qu'il me contraignit de faire sur mon premier mouvement d'indignation? Aurais-je eu sans cela cette double vision que je garde dans ma pensée, de Christine Malglaive et de lui-même, se détachant sur le ciel de cet après-midi du départ, comme deux figures antiques? Je la revois, elle, accoudée sur le bastingage du paquebot qui s'en allait vers Brindisi, saluant notre barque de sa main, pâle et souriante, et nous suivant d'un regard où nous pouvions, M. Zaffoni et moi, lire un merci pour la sympathie que nous avions montrée à son frère durant leur séjour, tendre et pure, dévouée qui ne soupçonnait pas ce que nous avions fait pour elle, et j'entends mon compagnon me dire « Est-ce que le plaisir de revendiquer une centaine de pages, fussent-elles, ce qu'elles ne sont pas, belles comme du Plutarque ou du Macaulay, valait une tristesse de ses yeux et de ce cœur ?» Et lui-même, le sage indulgent dont l'aménité fine cachait une si virile constance, je le revois, accompagnant, ce même jour, au crépuscule, l'enterrement du docteur Andonis, dont il m'avait annoncé la mort. Il m'avait dit « Mettez-vous à la fenêtre de la librairie pour voir passer le cortège. Nos cérémonies funèbres sont curieuses. » J'étais en effet à cette fenêtre, tandis que le convoi défilait sur l'esplanade. Une pâleur flottait dans le ciel, qui décolorait la mer, les montagnes, les arbres et la pierre de Malte, dont est construit l'ancien palais des lords au commissaire sur la façade duquel se voit la galère de Corcyre. Les chants des officiants étaient beaux et tristes. Les étoffes des robes de ces prêtres avec leurs nuances d'un vieux bleu, d'un rose fleur de pêcher, d'un orange fané, d'un rouge éteint, participaient à cette décoloration du soir où les flammes des cierges brûlaient, toutes minces, plus éclairées qu'éclairantes. Le mort était dans son cercueil, porté sur les épaules de ses parents, paré de fleurs, et la face découverte, une face jaune et livide de momie promise à la terre. Les ensevelissements à cette heure tardive me serrent toujours le cœur, comme une plus rapide entrée dans la grande nuit. Mais cette mélancolie se transforma soudain en admiration à voir M. Zaffoni dans la foule qui marchait au premier rang, la tête nue. L'auguste sérénité du vieillard, si près lui-même d'être conduit parmi le même appareil au même funèbre asile, s'expliqua pour moi tout entière. Il avait, depuis des années, toujours agi comme je venais de le voir agir, quelques heures auparavant, un homme qui a pitié des autres hommes. Il faut croire que l'influence de paix émanée de cette calme figure est encore souveraine sur mon âme, car j'oublie, devant cette image, d'en vouloir au misérable plagiaire, sur qui la vie n'a pas vengé le généreux plagié. L'épisode du chèque est oublié. Les deux articles sur le Parlement ionien réunis en une brochure ont eu beaucoup de succès, et j'ai lu dans un journal ce matin même que l'on parle pour le prochain cabinet d'une combinaison Malglaive. Pour me consoler, je pense à la sœur, que j'ai le courage de ne plus revoir, afin d'être plus sûr que je ne contribuerai pas à la détromper, et je me redis les deux vers si beaux du poète d'Antigone, justement, que mon hôte de Corfou aimait à citer. Ces choses sont dures, Procné, je l'avoue. Pourtant il faut que les décrets des dieux, nous, mortels, nous les supportions paisiblement. Ainsi s'achève Antigone par Paul Bourget.